what it's about. It's all about the shit. It's all about the fucking, the crap, and all the stinky fuck. That's what it's about. You gotta find it up in the ass the whole fucking time. It's not like it really matters anymore or anything cares, you know, anything goes. Fuck it. You know, it's all lost. There's nothing to say. It's all full of shit. You know, anything, just don't want to say it. That's all. Don't want to admit it, that's all, it's just lost. C'est perdu, on n'a rien à foutre de rien, et c'est la fin. C'est la fin de la guerre. On a perdu la guerre. C'est foutu. On est tous déjà morts. C'est un bide. Ton truc, c'est un bide. On est mort d'avance. Mort d'avance. Ton truc, c'est un bide. On est mort d'avance. Mort d'avance. On est mort d'avance. Mort d'avance. On est mort d'avance. Mort d'avance. On est mort d'avance. Mort d'avance. On est mort d'avance. Mort d'avance. On est mort d'avance. Mort d'avance. I heard her, Fuck it the whole way. God damn it. God damn souls. They don't understand. They've got nothing to say. Thank you.

boucle, dans une tête vide, atrophiante, un ciboulot, inémancipé, empiégé, enfiévré, criminel, toujours douloureux, douloureux, douloureux à supporter, douloureux à vivre, douloureux à entendre, douloureux à émettre, à exprimer, à dire, tout ça, c'est rien, comparé à toi, ce que tu me fais. C'est incomparable, parce que c'est pire encore, c'est pire que tout. C'est comme si je perdais les repères que je n'avais pas. Et ensuite, je tombe des nues devant toi. Et en fait, ça vaut pas le coup. Parce que toi, t'es pas comme moi, mais on a un point commun, c'est qu'on est vulnérable. C'est qu'on est vulnérable. Vulnérable, vulnérable, vulnérable, vulnérable, vulnérable, vulnérable, vulnérable, vulnérable, vulnérable, vulnérable, vulnérable, vulnérable, vulnérable, vulnérable, vulnérable, vulnérable, vulnérable, vulnérable, vulnérable, vulnérable, vulnérable, vulnérable, vulnérable, vulnérable, vulnérable, vulnérable, vulnérable, vulnérable, vulnérable, vulnérable, vulnérable, vulnérable, vulnérable, vulnérable, vulnérable, vulnérable, vulnérable, vulnérable, vulnérable, vulnérable, vulnérable, vulnérable, vulnérable, vulnérable, vulnérable, vulnérable, vulnérable, vulnérable, vulnérable, vulnérable, vulnérable, vulnérable, vulnérable, vulnérable, vulnérable, vulnérable, vulnérable, vulnérable, vulnérable, vulnérable, vulnérable, vulnérable, vulnérable, vulnérable, la radio libre ou mourir. Canal Sud, 40 rue Alfred Duméril, 31 400 Toulouse, en France, oui, 05 61 53 36 95, c'est le téléphone du studio live. N'appelez pas s'il vous plaît, vous êtes les malvenus. Dans Nuisance, Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances. Toutes les nuisances sont sur Nuisance, sur le Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net, tous les vendredis de 21h à 23h. assez près. Tu m'entends? Je t'entends, Al, bonsoir. Ben je suis Payman. C'est prêt. Alors, concert le 24 Bikini d'Israel Vibration. Israel Vibration, le 24 au Bikini, c'est ça? Oui. Merci, JP. J'y serai. Ok, et eh ben voilà. Je te dis une bonne soirée, mec. Salut, Al. Salut, ciao, ciao. Demain soir, les 20 ans de Mixart Miris à Mixart Miris. Les 20 ans de Miris, c'est plein de trucs, à la fois rien du tout. C'est ça, c'est tout. Ouais, ouais. Il y a quelque chose en nous de Tennessee.